La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine de la Compagnie des auteurs avec jusqu'à jeudi 4 émissions consacrées à une écrivaine qui n'a jamais cherché à surfer sur l'actualité mais qui de ce fait peut-être ne s'est jamais démodée non plus, je veux parler de Marguerite Yourcenar. Elle est entrée dans le panthéon de la littérature française pour avoir revisité l'histoire européenne. Yourcenar, née Crayancourt, est une femme de la longue durée, du voyage dans le temps. L'auteur qui a exploré avec la même avidité l'existence d'un empereur romain, d'un alchimiste de la Renaissance ou de son grand-père dans la Flandre française du 19e siècle et qui chaque fois a cherché à en extraire l'atemporel, c'est-à-dire l'humain. Cette mise en histoire de la grande histoire a fait sa réputation depuis son livre Les Mémoires d'Adrien, publié chez Plon en 1951. Un roman auquel est consacrée en ce moment une exposition au Forum antique de Bavay dans le Nord. Nous nous y rendrons jeudi pour la visiter avec vous. La grande histoire, c'est aussi la matière première de son roman L'œuvre noire. Nous en parlerons mercredi dans une émission où nous recueillerons également le témoignage de la traductrice et poétesse Sylvia Baron-Supervielle qui a publié sa correspondance avec elle, c'était en 2009. Demain, la critique littéraire Josiane Savigno sera dans ce studio pour nous parler de la biographie de Marguerite Yourcenar, partagée physiquement entre la France et les États-Unis, mais dont l'imaginaire restera toujours tout entier européen. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous commençons notre série par un portrait mosaïque de cette femme qu'il n'était pas si aisé que cela de saisir, tout à la fois très progressiste dans son rapport notamment à l'environnement et au non-humain, et dans le même temps plutôt conservatrice sur bien d'autres aspects. Ce portrait, nous le dessinons avec Henriette Levillain, professeure émérite à la Sorbonne, qui publie chez Fayard « Yourcenar, carte d'identité ». Une carte d'identité, ou plus exactement, un passeport sur lequel Marguerite Yourcenar avait fait inscrire à 25 ans, le mot « écrivain » en face de la case « profession ». 52 ans plus tard, elle devenait la première femme à entrer à l'Académie française. Eh bien, c'est encore un sacré pan de la muraille du sexe fort qui vient de tomber. L'Académie française, le bastion des hommes, va donc enfin accueillir une femme, une première historique. C'est l'écrivain Marguerite Yourcenar, 77 ans, qui va donc faire son entrée chez les immortels. Je vous propose tout de suite une exclusivité France Inter. Antoine Sanchez a réussi à joindre cette nuit au téléphone Marguerite Yourcenar, qui est en ce moment en croisière dans le sud de la Floride sur le paquebot français Mermoz. La communication n'est pas très très bonne, mais c'est à des milliers de kilomètres et ça vaut la peine d'écouter. Quel peut être mon premier sentiment, excepté la reconnaissance pour les personnes qui ont bien voulu m'élire. Et même je crois mener un certain combat pour le faire. L'époque a changé. Et alors que tout, même les coupoles, finissent par changer aussi. En tout cas, l'entrée de Marguerite Yourcenar est un événement historique pour Jean Missler, le secrétaire perpétuel de la très noble maison. C'est incontestablement un vote historique, puisqu'il n'y a pas tellement longtemps qu'on accepte d'inscrire même les candidatures des femmes, et c'est la première fois qu'une femme candidate à l'Académie n'obtient pas une voix, deux voix, trois voix, qu'on ne considère pas trop cela comme un précédent, parce que j'ai grand peur, si certaines candidatures qu'on nous annonce se produisent, qu'elles retrouvent les scores qu'elles ont faits il y a déjà quelques années. Alors vous acceptez une femme, seulement une seule? Non, ne faites pas dire ça non plus. Enfin, pour l'instant, c'est une date historique importante, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura dans l'Académie dans les temps prochains autant de femmes que d'hommes. Ça, non. Ce ne serait pas l'égalité telle que vous la concevez? Non, je ne crois pas que... Nous sommes une démocratie, mais c'est tout de même pas une démocratie égalitaire. L'Académie est une démocratie, mais une démocratie fortement teintée d'aristocratie et qui entend surtout être maîtresse de chez soi. Bonjour Henriette Levillain. Bonjour. Alors c'est une archive dont le propos peut paraître assez daté, en particulier ce que dit le secrétaire perpétuel de l'Académie, Jean Missler. Oui, cela dit, Margaret Yourcenar a ouvert une porte. Et après, les académiciens avaient, semble-t-il, plus de difficultés à considérer que c'était une assemblée strictement masculine. Elle ne s'est pas présentée comme femme, elle a beaucoup insisté là-dessus. Jean d'Ormesson, d'ailleurs, le dit peut-être d'une façon à la fois galante et en même temps très professionnelle. Vous n'êtes pas là, madame, en tant que femme. Mais l'opinion, elle, a considéré que c'était bien une révolution à l'Académie française. Alors on reconnaît dans la première partie de l'archive que vous avez pu entendre cette voix de Marguerite Yourcenar, toujours un petit peu détachée, d'une élégance qui pourrait paraître à certains un peu affectée et qui dit qu'elle peut tout changer et même les coupoles. Elle a vraiment le sens de la formule, Henriette Levillain. Oui, sa voix est sidérante. Moi, le peu de fois où j'ai pu l'entendre, et je trouve que cette archive est vraiment intéressante et pour moi tout à fait inédite, cette voix, très datée d'ailleurs, extrêmement aristocratique et pour le dire autrement, un peu snob, cette voix, elle porte quand même à l'attention. Il est difficile de considérer qu'une telle voix dit des choses banales. Et ce que j'aime justement dans Marguerite Yourcenar, c'est qu'elle a des formules qui sont toujours éclatantes. Et vous remarquerez d'ailleurs que ces formules sont souvent en fin de phrase. Ici, la formule sur la coupole, c'est une clausule. C'est parce qu'elle fait son effet ? Exactement, c'est parce qu'elle fait son effet. Et le lecteur d'ailleurs, ou l'auditeur, retiendra, c'est intéressant que vous ayez retenu coupole. Eh bien, dans la plupart de ces articles ou de ces romans, à la fin de chaque paragraphe ou à la fin de l'article, il y a toujours une formule dont on se dit, c'est vraiment Yourcenar qui l'a prononcée. On est toujours très étonné. J'aime beaucoup, par exemple, au bout d'un très petit article que je conseille beaucoup aux auditeurs, dans le gros volume de la Pléiade des essais, il y a un petit article sur un très beau tableau de Rembrandt qui s'appelle « Deux Noirs ». Et à la fin de cet article où elle a eu beaucoup de compassion pour ces deux Noirs qui se promenaient sur les quais d'Amsterdam et que Rembrandt a détachés de leur contexte et remis dans l'histoire parce que ce sont des enfants d'esclaves, elle dit « Après tout, nous pourrions être nés noirs et nous pourrions devenir prisonniers. » Or, cet article a été écrit lorsqu'elle avait 86 ans. Donc je ne crois pas qu'elle aurait pu devenir prisonnière. Mais j'aime beaucoup ce « nous ». Nous aurions pu naître noirs, nous pourrions devenir prisonniers. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle cherchait précisément, dans la formulation de ses phrases, à impressionner son auditoire ? Je crois que c'était tellement naturel. D'abord, elle a vécu, elle a été nourrie dans la littérature latine. Et cette formulation par la clausule est quelque chose que vous trouverez toujours chez Tacite, par exemple, ou Suétone. On aime justement cette formule qui frappe. Et je pense que c'est jouer ainsi sur le silence après un paragraphe ou le silence après un article. Donc, chercher à impressionner, je n'en suis pas sûre. Bien sûr qu'elle était assez joueuse. Si vous avez dans la mémoire l'entretien avec Bernard Pivot, vous vous rappellerez certainement comment elle aime jouer avec Bernard Pivot. Elle lui fait de temps en temps... Jouer et gagner, c'est ça qu'elle aime. Jouer et gagner, absolument. Mais mettre à mort éventuellement son interlocuteur, s'il le faut. Oui, elle peut être d'une ironie cruelle. Elle peut être féroce, Marguerite Yourcenar, surtout lorsque quelqu'un a dit un propos qui était complètement erroné. Il y a un passage à la fin dans le carnet de notes de mémoire d'Adrien où elle évoque ceux qui disent que Adrien, c'est elle. Et elle dit grossièreté de ceux qui disent Adrien, c'est moi. Bon. Et je crois qu'elle a parfaitement raison parce que ce qu'elle veut dire en disant grossièreté, c'est que elle n'est pas Adrien, elle se met dans Adrien, donc elle va devenir autre. Et c'est sa, sa manière, sa stratégie romanesque d'essayer toujours de devenir l'autre. C'est ça que je trouve très très émouvant. En tous les cas, elle entre donc à l'Académie en 1980. Peut-être est-ce une révolution pour les académiciens, mais elle n'entendait pas faire la révolution car ce n'est pas du tout une révolutionnaire. Non, ce n'est pas du tout une révolutionnaire dans la mesure où elle n'aime pas les mouvements collectifs. Sa révolution, elle est toujours individuelle. Mais elle aime bien qu'on la suive quand même. Sinon, elle n'écrirait pas. Mais si elle a été acceptée à l'Académie, est-ce que ce n'est pas parce que précisément elle était académique, elle aussi? On lui a beaucoup, peut-être pas reproché, mais on a beaucoup souligné en tous les cas qu'elle était d'un style très classique, elle-même qui plongeait son esprit dans la littérature classique. Oui, vous avez parfaitement raison. Surtout dans les années où elle est élue à l'Académie et où nous sommes à l'apogée du nouveau roman. Et il est évident que chez les académiciens, c'est une manière de montrer que la grande littérature, depuis le Racine, est encore honorée à l'Académie française. Donc on peut dire qu'effectivement, si on considère l'adjectif d'une manière péjorative, qu'elle est académique, c'est certain. Conservatrice également ? Oui, elle est conservatrice, bien sûr, mais comme toujours chez ces grands écrivains, la contradiction est là. La contradiction est là. Et elle peut être à la fois conservatrice dans sa manière de considérer l'écriture et en même temps d'avant-garde. Vous parlez beaucoup des femmes dans vos œuvres. Pas tellement. Hein. Plus qu'on ne le croit. On vous le reproche. Hein. On me dit très souvent qu'il n'y a pas de femmes dans mon œuvre. Oui. Et je pense qu'il y en a au contraire un assez grand nombre. Par exemple, Le coup de grâce est au fond l'histoire de Sophie, au moins autant que l'histoire d'Éric. Sophie est très femme. C'est elle, ensemble, qui est dans un sens l'héroïne du coup de grâce. Dans Adrien, il y a une femme qui joue un rôle effacé, parce qu'elle a joué un rôle effacé dans l'histoire, mais important, c'est sa mère adoptive, quoique ce rapport-là n'existait pas, enfin, c'était une amie, Plotine, qui semble le comble de l'image parfaite qu'on peut se faire de la femme cultivée et contrôlée de cette société gréco-romaine. Oui, mais quand même, si on veut être tout à fait franc, vous ne donnez pas une grande importance aux femmes. Dans la vie, même, moi je parlais de l'œuvre. Mais vous l'avez dit déjà un peu... Mais que voulez-vous dire? Enfin, je ne vois pas énormément de différences. Je peux voir des différences de fonction. Mais autrement, une femme est un être humain. Comme un homme est un être humain. Le fait est que quand on évoque, comme je l'ai fait dans L'œuvre noire, ou dans même Archives du Nord et Souvenirs pieux, Archives du Nord et Souvenirs pieux, il y aurait beaucoup à dire, une société du passé... Il est très rare que la femme joue un rôle de premier plan. Il y a des exemples, par exemple Marguerite d'Autriche apparaît pendant quelques pages en L'œuvre noire. Mais en fait, nous savons peu de choses sur elle. Et ce que nous savons sont de vagues racontars. Quand on veut s'informer d'une personnalité du passé, on a mille fois plus de documents sur les hommes que sur les femmes. Extrait du Radioscopie de Jacques Chancel, c'était le 11 juin 1979. Alors Henriette Levillain, en matière de rapport homme-femme, le monde de Marguerite Yourcenar ne se divisait pas de la même manière que les militantes féministes divisaient leur propre monde. C'était autre chose, c'était d'autres catégories. Certainement, elle a d'ailleurs beaucoup déçu les féministes. Il y a des correspondances de femmes féministes qu'elle va carrément rabrouer, d'ailleurs. Ce que je trouve très Pourquoi, intéressant... Pour quelle raison? Parce que les trouve sectaires. Et d'ailleurs, dans le document que vous avez fait passer, elle insiste sur l'humain, et non pas sur le sexe. Ce que je trouve très intéressant dans le document que vous avez fait passer, l'entretien avec Jacques Chancel, c'est qu'elle insiste sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de documents. Cela veut dire qu'en fait, elle ne peut écrire sur une femme qu'à condition qu'elle ait de la documentation. Et c'est ce côté support pour que son imagination travaille qui fait que parfois son écriture, son roman paraît tout de même un peu lourd, parce qu'il y a toute cette documentation derrière, et elle tient à ce que nous le sachions par certains côtés, et en même temps, donne toujours l'impression que c'est fondé, que c'est pas de l'imagination facile, factice. Vous parliez au début de l'émission du côté intemporel. Je pense que le côté intemporel vient de ce que son imagination est toujours fondée. Alors le conservatisme, oui peut-être, mais en même temps, et c'est peut-être ça l'une des clés de Marguerite Yourcenar, c'est la grande liberté. Sa vie est une vie de grande liberté en tant que femme, mais, et vous venez de le dire Henriette Levillain, plutôt en tant qu'être humain. Oui, je crois qu'on peut être conservateur et critique des traditions. Dans ses mémoires, par exemple, où elle retrace toute sa généalogie, elle est assez sévère par rapport à ses ancêtres et sévère par rapport à ceux qui considèrent que tout doit être immuable. Et elle, de son côté, effectivement, s'est émancipée très jeune avec un père un peu farfelu et est partie pour les États-Unis en oubliant complètement sa famille, qui d'ailleurs le lui a beaucoup reproché. C'est-à-dire que quand il faut bouger, elle le fait. Mais en même temps, elle accepte aussi que le monde est comme il est, et que, à partir du moment où il est comme il est, il faut aussi l'accepter tel qu'il se présente. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'est pas pour les révolutions sociales, elle n'est pas pour les violences, tout est intellectuel chez elle. Tout est finalement de l'esprit. Vous sentez-vous aristocrate dans l'âme ? C'est difficile à dire. Il y a aristocrate et aristocrate, je ne sais pas. Oui, peut-être, d'une certaine petite aristocratie, de ces marches que sont, par exemple, la Flandre française, de ces pays limitrophes, de ces pays frontières. Je dirais par une seule chose, qui pourrait aussi me faire très peuple, d'ailleurs, par une certaine indépendance. Les aristocrates et ce qu'on appelle les gens du peuple sont généralement indépendants. Ils vivent un peu au jour le jour et s'abandonnent à leur goût, à leur volonté, enfin font un peu ce qu'ils veulent. C'est dans une situation intermédiaire, dirais-je la bourgeoisie, qu'on trouve plus de prudence, plus de soins, plus de routine, etc. J'en ai connu des exemples autour de moi, ma grand-mère était une bourgeoise. On peut même dire poliment ou impoliment qu'elle était une grande bourgeoise. Le mot aristocrate, Henriette Levillain, vous l'aviez prononcé déjà avant même la diffusion de cette archive. Oui, elle m'amuse beaucoup là, parce qu'elle a une manière très aristocratique de considérer la société. Elle parle de la liberté, de l'indépendance des personnes aristocratiques et du peuple. C'est complètement faux. Le peuple n'est pas indépendant, puisqu'en fait il vit au jour le jour à la sueur de son front. Mais en fait, elle a une telle haine de la bourgeoisie, et en particulier du rapport de l'individu à l'argent, que du coup, elle met le peuple et l'aristocratie dans le même sac. Alors précisément, l'argent, elle en a eu quand elle était enfant, et puis elle en a eu moins durant sa vie. Cette haine de la bourgeoisie, c'est quelque chose qui est précisément ancré dans son enfance, dans son adolescence. C'est-à-dire qu'elle elle a aimé l'argent quand elle ne s'est à peine rendue compte qu'elle en avait. Et elle n'a jamais su le gérer. Il fallait que les autres le gèrent pour elle. Et puis petit à petit, elle l'a dépensé. Et puis petit à petit, il y a eu surtout la grande crise financière des années 30. Avec évidemment la perte d'argent qu'il pouvait y avoir dans les portefeuilles et dans les titres en bourse. Donc, elle a perdu beaucoup d'argent et à ce moment-là, elle s'est retrouvée devant une situation extrêmement difficile. Et il faut reconnaître qu'elle n'est partie pour les États-Unis que parce que Grace Frick lui a dit, sans jeu de mots, qu'elle gagnerait un peu de fric en étant là-bas aux États-Unis. Elle a prononcé ce mot-là, vous croyez ? Non, elle n'a pas prononcé ce mot-là. Donc, elle a certainement pensé aller aux États-Unis pour remettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ça non plus, elle ne l'a pas dit de cette façon-là. Et ensuite, elle y est restée parce que la guerre est venue et que petit à petit, il fallait donc qu'elle y subsiste. Mais ce rapport à la bourgeoisie, c'est aussi aller contre la famille de sa mère. La famille de sa mère est une famille bourgeoise, alors que la famille de son père est une famille aristocratique. Et elle se mettra toujours davantage du côté de son père que du côté de sa mère, qu'elle n'a d'ailleurs pas connue, du côté de la famille de sa mère. Oui, mais c'est sa grand-mère paternelle, Noémie, qui est bourgeoise. C'est pas la grand-mère maternelle. En tout cas, c'est du côté des femmes. Voilà. Donc, en fait, elle est Noémie, et elle, je ne sais pas comment était Noémie en réalité, je n'ai pas d'autres témoignages, ça serait d'ailleurs intéressant d'en avoir, mais toutes les propos qu'elle retient de cette femme sont atroces, mais vraiment atroces. Celui en particulier qu'elle rapporte, l'ayant, paraît-il, entendu dire, parce qu'elle n'était pas vivante, elle était vivante, mais elle était bien bébé, où cette femme arrive dans la maison de sa belle-fille qui est en train de mourir de couche et qui demande si elle peut entrer dans la chambre et si c'est contagieux. C'est absolument atroce, vraiment. Ça, c'est la bourgeoisie, selon Marguerite Yourcenar? Oui, c'est-à-dire que au-delà de cette haine qu'elle a pour sa grand-mère, je dirais tous les pires défauts qu'elle prête aux êtres humains, cette grand-mère les a. Mais son nom, Crayancourt, c'est un nom aristocrate, aristocratique. Oui, son nom, Crayancourt, effectivement, est d'une bonne petite aristocratie belge. Et pourtant, elle change ce nom-là. Elle décide de modifier l'ordre des lettres. Oui, mais elle le change sans le changer complètement. Vous savez, c'est toute l'histoire très intéressante des pseudonymes. Est-ce que on se débarrasse totalement du nom paternel pour en prendre un, Stendhal par exemple, ou bien est-ce qu'on le triture, on le bricole comme elle le fait avec ce père? En tous les cas, la famille du côté de son père, cette famille d'aristocrates, a été précipitée dans le déclin à cause de la Première Guerre mondiale. Donc il y a comme ça une chute dans la biographie de Marguerite Yourcenar. Et au fond, sa véritable aristocratie, Henriette le Vilain, ça va être celle qu'elle se choisit, c'est-à-dire celle des intellectuels. C'est tout à fait ça. C'est l'aristocratie des écrivains. Et de ce point de vue, elle considère certainement qu'être une femme de lettres, c'est appartenir à une élite. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing in the wind. Yes, and how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the Wind par Bob Dylan, cette chanson qui constituait pour Yourcenar un sommet de la poésie. Vous saviez ça, Henriette Le Vilain, bien entendu? Je l'ai entendu dire par Marguerite Yourcenar et je trouve que c'est bouleversant d'entendre cela en pensant le rapport avec Marguerite Yourcenar, parce que ça encore, c'est une des choses les moins évidentes qui soient pour les lecteurs de Mémoire d'Adrien. Et je trouve que c'est très bien d'avoir fait passer cet extrait. Et donc, elle s'est servie de cet épitaphe pour le mettre en exergue à la vie de son père dans Archives du Nord. C'est ça, exactement. Alors, Marguerite Yourcenar, qu'on ne qualifierait donc pas spontanément de femme de progrès, c'est ce que nous disions à l'instant, Henriette Le Vilain, mais qui était en revanche une humaniste, qu'on pourrait presque dire un honnête homme. J'aime beaucoup mieux que honnête femme, vous avez tout à fait raison. Elle n'aurait pas voulu qu'on dise honnête femme. Ça d'ailleurs, ça ne veut pas dire la même chose. Non. Non, mais elle n'aurait pas voulu qu'on féminise les mots. Non, ni écrivaine, ni auteur. Je crois qu'elle n'aurait certainement pas voulu cela. Je pense que c'est dans cette perspective-là qu'on comprend le mieux Marguerite Yourcenar. Elle est à la fois une femme qui est obsédée par la condition d'écrivain et en même temps obsédée par la condition humaine. Et c'est pour cela, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que le sexe l'intéresse beaucoup moins que l'homme. En fait, ce qui vraiment est son souci perpétuel, c'est comment est-ce qu'un écrivain peut parler au mieux d'un homme de tous les temps, de tous les temps. Donc, elle a commencé par la grande histoire, effectivement, puis petit à petit, elle s'approche de l'homme presque nu, je dirais. Pour moi, l'ouvrage le plus beau, c'est Un homme obscur à cause de cela, parce que c'est l'homme nu. Et qu'est-ce que c'est alors la condition d'écrivain vers laquelle elle souhaiterait aller ? C'est presque une condition monacale. Il y a chez elle, d'ailleurs, l'œil du contemplatif, que je trouve très, très bouleversant. C'est quelqu'un qui pouvait rester des heures devant des tableaux et certainement des heures devant la nature. Et c'est dans la nature qu'elle fait d'ailleurs mourir Nathanaël, ce personnage de l'homme obscur, celui qui n'a plus rien, plus rien. Plus de titres, plus de noms, plus d'environnement humain. Et il y a simplement quelques moutons qui bêlent à côté de lui. Et ça, c'est un absolu ? C'est l'absolu de quelqu'un qui est profondément pessimiste. Finalement, plus Marguerite Yourcenar a vieilli, moins elle a eu confiance finalement en l'homme. Et elle a considéré d'une façon là très très moderne, hein, que nous étions en train de détruire la planète. Donc qu'est-ce qui reste sur cette planète ? Une petite île frisonne, un homme obscur qui meurt dans le creux d'une dune et quelques moutons qui bêlent. Est-ce que vous employeriez le mot écologiste pour parler d'elle ? Est-ce qu'elle ne l'emploie pas déjà, d'ailleurs ? Il me semble qu'elle l'emploie, et de toute façon, comme elle connaît aussi bien le latin et le grec qu'un professionnel de ces langues-là, je pense qu'elle l'a certainement inventé si elle ne l'a pas prononcé. Et alors, la première entrée de votre abécédaire, Henriette Levillain, c'est « Ami des bêtes ». Moi, je vous avoue qu'en le lisant, je me suis demandé si vous n'aviez pas fait exprès de le mettre en premier, ce mot « Ami des bêtes ». Vous auriez pu choisir une autre manière de parler des animaux. Oui, certainement. J'aurais pu mettre « abbé », vous voulez dire pour « bête ». J'ai eu l'impression que vous aviez voulu le mettre comme en exergue. En fait, quand j'ai essayé d'écrire ce livre, j'ai cherché tous les lieux de la surprise. Tout ce qui étonne chez Marguerite Yourcenar. Et cet amour des bêtes m'a d'abord surprise en regardant l'émission de Bernard Pivot. Ce temps qu'elle passe à donner des petites graines aux oiseaux avant de passer à la chose sérieuse qui était l'entretien. Alors je me suis dit, elle joue la comédie, c'est pas possible. Et puis petit à petit, dans sa correspondance, je me suis rendu compte combien les chiens tiennent d'importance. Et d'ailleurs, dans le très joli petit essai qu'elle écrit, une petite recension, enfin c'est très court, hein, sur Virginia Woolf, je vous signale qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qu'elle cite, mais elle cite Floche, qui est un tout petit essai de Virginia Woolf sur un chien. Exactement. Dans Un homme obscur dont vous parliez, le héros Nathanaël est un cœur simple dont les animaux sont les seuls à ne jamais le trahir et à vivre comme lui. Mais on se demande quand même dans quelle mesure ce ne sont pas là des phrases prononcées par des misanthropes. Rappelons-nous que Marguerite Yourcenar vit aux États-Unis, mais pas à New York, pas à Chicago, pas à Los Angeles. Elle vit dans la forêt, au bord d'un lac, assez isolé. Et au fond, son amour des bêtes, son amour des animaux, est-ce que ça n'est pas aussi une difficulté à s'approcher des êtres humains ? Oui, je ne vous contredirai pas là-dessus. Cela dit, Mount Desert, c'est beaucoup moins désert qu'on ne le pense, hein. C'est une villégiature pour Américains, je dirais, de bonne société. Alors, elle prend des distances par rapport à cette bonne société et elle prétend qu'elle n'aime que son jardinier, le boulanger et les gens du village. C'est possible, c'est possible. Néanmoins, je crois qu'il faut bien penser que quand un écrivain doit écrire, il faut bien qu'il s'isole. Et à force de s'isoler, peut-être devient-il un peu misanthrope. Et en tout cas, choisit-il, toujours de cette façon très aristocratique qu'elle a, ceux qu'elle apprécie et ceux qu'elle n'apprécie pas. Cela dit, si vous ouvrez les gros ouvrages de correspondance, vous voyez qu'elle écrit à beaucoup, beaucoup de personnes. Elle se fâche aussi. Y compris à Brigitte Bardot. Y compris à Brigitte Bardot. En 68, ouais. C'est elle qui va attiser comme ça la fibre finalement. Ce sont les phoques. Ce sont les phoques. Quand elle a su que Brigitte Bardot, qui était une compatriote, se donnait tellement de mal pour sauver les phoques, elle a trouvé que cette femme était absolument géniale. Et elle va effectivement l'encourager dans son combat, puisque elle, de son côté, elle hait les femmes bourgeoises à nouveau, revenons là-dessus, qui sont à la mode et qui s'achètent des manteaux de fourrure. Donc en fait, la connivence était là. Ce qui est très amusant, c'est qu'elle soit allée jusqu'à à voir Brigitte Bardot dans sa villa de Saint-Tropez et qu'il y ait une photo d'elle et de Brigitte Bardot. Moi, quand j'ai découvert ça, je suis tombée de l'armoire. Brigitte Bardot qui n'était pas la Brigitte Bardot que nous connaissons aujourd'hui. Non, qui était flamboyante. Marguerite Yourcenar n'était pas loin de penser, avec Martin Heidegger d'ailleurs, que la maltraitance sadique des bêtes avait préparé le terrain de la torture méthodique moderne, c'est-à-dire celle des camps, Henriette Le Villain. Oui, il y a un article d'ailleurs très, très beau, très cruel, où elle montre que les wagons dans lesquels on met les pauvres vaches en les poussant et en les torturant, c'est déjà l'image des wagons de la déportation. Nous poursuivons cette discussion avec vous dans quelques minutes, Henriette Le Villain, mais tout de suite sur France Culture. Il est 15h30. Même un peu passé. C'est le moment de retrouver notre séquence habituelle en compagnie des revues. Et nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Valérie Toragnan, directrice de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Valérie. Bonjour Mathieu. Alors, la Revue des Deux Mondes, dont nous avons déjà exploré une partie du sommaire le mois dernier, et vous revenez pour nous parler de la suite, parce que c'est un bimestriel. Absolument. Alors, vous savez que le dossier principal de la Revue des Deux Mondes est consacré aux bien-pensants dont nous avons parlé ici. Il y a des moutons d'ailleurs sur la couverture, voilà. C'est très très bien pour aller avec Marguerite Yourcenar. C'est parfait, c'est une connivence entre nous aujourd'hui. Et c'est effectivement l'histoire du camp du bien de Rousseau à la gauche morale. Alors aujourd'hui, abordons un autre sujet brûlant, celui de la jalousie. Auquel Jean-Didier Vincent, membre de l'Institut et professeur de physiologie, consacre un article passionnant. Jean-Didier Vincent, vous savez, il a le génie de raconter en scientifique et en humaniste la biologie de nos passions. Il le fait dans la Revue des Deux Mondes à propos de la jalousie en s'appuyant sur le travail que Julia Sissa a fait paraître récemment chez Odile Jacob, La jalousie, une passion inavouable. Et il le matine de ses propres réflexions d'homme de science. Ah, la jalousie, comme cette passion est inavouable, effectivement. On la qualifie, nous rappelle l'auteur, de sot orgueil, d'amour faible, de ridicule bourgeois, de préjugé d'éducation fortifiée par l'habitude, de pathologie de l'imagination, de pulsion homosexuelle convertie en paranoïa, de phallus défaillant, de narcissisme problématique, de haine de soi. N'en jetez plus. Alors, bien sûr, la facilité pour un médecin biologiste comme notre auteur serait de réduire la jalousie à sa dimension psychopathologique et d'en faire une maladie du désir due à un excès de dopamine et un déficit en sérotonine dans les systèmes désirants de la base du cerveau. Vous me suivez, j'espère. Oui, oui, on vous suit bien. Bon, alors, le syndrome d'Othello, par exemple, jalousie délirante avec des hallucinations et des troubles de l'humeur qui peut aller jusqu'au crime, pourrait se soigner aujourd'hui à l'aide de neuroleptiques. Vous imaginez un peu le théâtre de Shakespeare sous neuroleptique, ça n'a pas la même saveur. Car voilà, on a honte d'être jaloux. Le changement de mœurs a validé le plaisir et le désir. L'individu moderne réhabilite les passions tout en fustigeant une seule, la jalousie. Eh bien, c'est une erreur. La jalousie est une passion qu'il convient d'avouer, comme l'avaient pressenti la philosophie et la tragédie grecque. Bon, alors vive la jalousie. Autre sujet à votre sommaire, Valérie, c'est la question du rapport au sacré qui a envahi le débat intellectuel et philosophique, mais elle se pose aussi chez les écrivains sur un aspect en particulier qui est celui du rituel des funérailles. Et oui, l'écrivain Mathias Rambaud, s'est penché sur la place compliquée qu'occupe le rituel religieux des funérailles à travers le traitement que lui réserve dans leur roman plusieurs auteurs français, Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère, Philippe Djian, entre autres. À partir des années 70, le rite funéraire chrétien a connu une érosion au profit de ses concurrents laïcs. Pourtant, plus de 2/3 des Français continuent d'être enterrés selon le rite des funérailles catholiques. Quel sens donner à la persistance de ce rite religieux à une époque que l'on avait sans doute hâtivement qualifiée de désenchantée et que l'on croyait acquise aux cérémonies civiles, nous demande l'auteur. Et il poursuit, lorsque Michel Houellebecq met en scène dans La carte et le territoire son propre personnage victime d'un sordide assassinat, sa disparition est l'occasion pour le narrateur de considérations sur le rapport de ce double fictif à la religion catholique. Je cite, « Quoiqu'ayant sa vie durant affiché un athéisme intransigeant, Michel Houellebecq s'était fait discrètement baptiser dans une église de Courtenay 6 mois avant sa mort. » Lors de la messe donnée à la suite du décès de l'auteur des particules élémentaires, Jed Martin, le personnage principal, arrive au constat suivant. L'intervention de l'Église était au fond bien plus légitime dans le cas d'un enterrement que dans celui d'une naissance ou d'un mariage. Elle était là, parfaitement dans son élément. Elle avait quelque chose à dire sur la mort. Les romanciers, explique Mathias Rambaud, rendent bien compte de l'émergence de ce nouveau territoire où se côtoie une laïcité qui ne s'interdit pas de puiser dans le répertoire du sacré afin de combler son propre vide symbolique et une tradition religieuse à la fois vulnérable et vivace naviguant entre profanation contemporaine et nouvelle sacralisation. Et puis pour terminer, Valérie, dans cette auguste revue des deux mondes, plus que bicentenaire, on parle aussi d'emoji et de shinglish. De quoi s'agit-il ? Voilà, alors à l'heure où disparaît la pratique de l'écriture manuscrite, figurez-vous que certains évoquent le développement des emojis. Vous savez, ces petites images, ces petites icônes comme les smileys qui sont censées traduire nos émotions. Eh bien, ce serait une première étape dans l'élaboration d'une langue universelle et même chose pour le shinglish qui est en fait un mélange hybride de chinois et d'anglais. L'écrivain Kirill Nikitine, dans un article intitulé « La plume de Monsieur LOL », alors LOL aussi, hein, vous savez. Loud, ben, voilà. LOL, c'est quoi déjà en fait ? Écoutez, traduisons cela out of en... loud, c'est ouais, mais alors le premier L, je ne sais plus, voilà. Mort de rire. Alors, donc l'écrivain Kirill Nikitine se pose la question de l'éventuelle émergence d'une monoculture scripturale. Alors, aux yeux de l'anthropologue et linguiste Dan Sperber, l'internet des objets et l'ère du tout intelligent amènent à reconsidérer le rôle de l'écriture. En nous donnant accès par la parole et par l'ouïe aux informations enregistrées, les ordinateurs parlants nous permettront de remplacer toute la langue écrite par la langue parlée. Avec ce pas de géant en avant vers le passé, nous sommes sur le point de retourner à une culture orale sur des bases technologiques. La colonisation numérique n'attend pas. Apple encore moins, globalisation oblige, ça n'a échappé à aucun d'entre nous. Car ne nous y trompons pas, c'est aussi une lutte de pouvoir. Chaque révolution de l'écriture s'est traduite par un passage de souveraineté. Pensons au temps qu'il aura fallu à l'Occident pour libérer l'écriture manuscrite du pouvoir clérical, nous rappelle l'auteur, qui conclut « Comment un État, à partir de son système éducatif jusqu'à ses entreprises, en passant par sa législation, peut-il anticiper ce phénomène ?» Peut-on encore lutter contre la disparition de l'écriture manuscrite ? Eh bien, ce sujet et beaucoup d'autres dans ce numéro de la Revue des Deux Mondes. Suspense, suspense, passionnant numéro donc à retrouver en librairie. Merci Valérie Thoragnan et à très bientôt à ce micro pour nous parler d'un nouveau sommaire de la Revue des Deux Mondes. Vous écoutez toujours La Compagnie des Auteurs sur France Culture et nous continuons à dessiner ce portrait mosaïque de Marguerite Yourcenar, premier volet d'une série de 4 émissions consacrées à l'auteur de Mémoire d'Adrien, de l'œuvre noire et d'Archives du Nord. Autant de romans qui ont fait date dans la littérature, non seulement française mais aussi mondiale, et qui ont, ces trois-là en tous les cas, pour point commun de plonger leurs racines dans la grande histoire du monde. On peut dire que l'histoire est une école de liberté. Ce que n'ont peut-être jamais assez vu les écrivains comme Gide, par exemple, qui n'aimaient pas l'histoire. Peut-être, faut-il dire, pour les excuser, qu'ils pensaient à l'histoire d'une façon en quelque sorte scolaire et qu'ils se révoltaient contre cette présentation traditionnelle qu'on leur forçait à accepter des événements. Au contraire, si nous regardons l'histoire de près et avec attention, nous constatons que chaque époque, chaque milieu, a eu sa manière à soi d'interpréter la vie, que quoi que les sentiments humains, les émotions humaines, les nécessités humaines soient toujours les mêmes et soient réduites à un certain nombre très réduit d'éléments, un peu comme les 7 notes de la gamme si vous voulez, elles se combinent en des milliers de possibilités et qu'on les voit changer en quelque sorte non seulement de siècle en siècle, mais d'année en année. Nous ne pensons plus exactement comme on pensait en 1950 même. Et ce qui est passionnant, c'est de retrouver à une certaine date exacte la manière dont les problèmes se sont posés, nos problèmes, mais nos problèmes vus sous un autre angle, et de voir quelles autres solutions leur ont été apportées. C'est là que l'histoire est une école de liberté. L'histoire ne se répète pas, dit Marguerite Yourcenar, mais elle ne cesse de combiner entre eux des éléments qui, au fond, sont les mêmes, Henriette Levillain. Oui, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur la jalousie. La jalousie pouvait être dramatique, théâtrale et finalement esthétique, et maintenant est considérée comme un sentiment vil. Donc finalement, revoir Othello, c'est réhabiliter la jalousie, c'est en faire finalement une grande passion et pourquoi pas une noble passion. École de liberté surtout, j'aime beaucoup cette expression que Marguerite Yourcenar emploie par rapport à l'histoire. Cette idée que, au fond, nos problématiques sont toujours les mêmes, la guerre, la paix, l'amour, la haine, mais que de les relire dans le passé permet de prendre des distances par rapport à notre présent et de mieux les comprendre. Je pense que Adrien est pour moi l'exemple même de cette manière de lire l'histoire, parce que Adrien est un homme d'ambition, un homme de pouvoir, un homme arriviste même, un homme qui est tenaillé par les passions et qui évidemment s'oublie complètement lorsqu'il aime Antinoüs. Et ce dilemme entre pouvoir et passion est un dilemme d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. En fait, il n'y a pas d'histoire chez Marguerite Yourcenar, il n'y a au fond que des sentiments, mais elle souhaite les décaler. Et c'est tout à fait ça, elle souhaite les décaler et en fait, elle a des époques favorites. L'Antiquité, et l'Antiquité romaine, bien entendu, et aussi l'époque baroque, ce qu'on peut appeler l'époque baroque, c'est-à-dire le XVIe siècle, qu'elle connaît très bien, puisqu'en fait elle a visité la Flandre, qu'elle a vécu et visité la Flandre à plusieurs reprises, et qu'elle se plaît à la fois dans la peinture et l'histoire de ce pays. Et comme la peinture, on le disait tout à l'heure, est un des supports essentiels de son écriture, elle trouve ce complément entre l'histoire et la peinture. Et pourquoi ces périodes-là en particulier ? D'abord parce que c'est une époque du point de vue religieux qui est dramatique et elle apprécie les périodes dramatiques. Oui, alors qu'elle est très marmoréenne, pourtant elle aime le drame. Elle est faussement marmoréenne, c'est une femme de passion qui en fait est tout le temps contrôlée. L'autre jour j'écoutais Pierre Michon parler de Yourcenar, très bien je dois dire, et il disait qu'il l'admirait dans sa manière de considérer l'écrivain à un haut niveau, vraiment comme une des personnes les plus importantes de notre société. Mais qu'en même temps, il lui reprochait cette écriture toujours tendue. Tendue. Elle ne lâche rien, comme il disait. Et c'est tout à fait exact. Eh bien, sur ses passions aussi, elle ne lâche rien. Elle a lâché un moment lorsqu'elle a connu une passion pour un homme qui aimait les femmes. Pour un homme qui n'aimait pas les femmes. André Frégnaud. Voilà, André Frégnaud. Donc elle s'est lâchée un moment, elle l'a regretté après, et elle s'en est mordu les doigts, parce qu'elle a écrit un ouvrage feu qu'elle n'a pas arrêté de renier, tout en même temps le réécrivant. Donc c'est toutes ces contradictions que l'on a. Elle a choisi le contrôle. Elle a choisi le contrôle, exactement. Voilà. Donc vous disiez des périodes dramatiques. Les périodes dramatiques et surtout les périodes de conflits religieux, parce que Marguerite Yourcenar déteste les haines religieuses. Elle considère que finalement, le syncrétisme est la meilleure approche de la religion. Et on parlait tout à l'heure des funérailles. Il est intéressant de savoir que pour les funérailles de Grace Frick, son amie avec laquelle elle vivait aux États-Unis et qui est morte d'un grave cancer bien avant elle, elle a voulu justement qu'il y ait des funérailles qui soient à la fois bouddhiques, presbytérienne, un peu catholique, et elle dit avec humour qu'il n'y a qu'un seul homme qui aurait pu accepter cela, c'est un pasteur. Jamais un prêtre catholique n'aurait accepté cela. Ça, c'est la grande liberté de Marguerite Yourcenar. La grande liberté de Marguerite Yourcenar, mais en même temps, elle aime plonger dans ces périodes dramatiques pour exposer cette liberté. Alors sa vision finalement de l'histoire, c'est de rendre intelligible, de réanimer le passé, de le rapprocher du présent. De le rapprocher du présent sans anachronisme, c'est-à-dire ne pas effectivement faire d'Adrien un des nôtres, de lui laisser sa part exacte d'empereur romain, tel que un empereur romain pouvait être, à la fois avec ses graves défauts et en même temps ses qualités d'empereur romain. Et ce qu'elle aime chez Adrien, qui peut évidemment être un langage pour aujourd'hui, c'est que ce fut un pacificateur. Mais alors, ce rapport à l'histoire, c'est un rapport qui implique toujours les grands hommes. Et on a l'impression qu'elle ne se sent au fond à l'aise, qu'elle ne se sent vraiment bien qu'avec ces êtres qui sont à sa mesure, qu'avec ces esprits supérieurs. Pendant toute une période de son existence et surtout de son existence d'écrivain, effectivement, elle aime les génies, considérant que elle est elle-même un génie. D'ailleurs, très jeune, elle se considère comme un génie. Oui. Elle le dit, même enfant, elle Absolument. Considère qu'elle est un génie. Elle ne démordra jamais de cette Absolument. Vision-là. Absolument. Et c'est pour cela que, de génie à génie, on peut se comprendre. Et c'est, pour revenir toujours à l'homme obscur, ce que j'apprécie beaucoup, justement, dans ce dépouillement de la fin, c'est qu'elle renonce aux hommes géniaux. Vous pensez qu'elle a compris, là, quelque chose ? Elle a perdu, je crois, beaucoup d'illusions sur le génie. Peut-être d'illusions aussi sur elle, je ne sais pas. Quelles illusions ? Que le génie pouvait changer le monde. La compagnie des auteurs sur France Culture et nous sommes avec Henriette Levillain. Nous parlons de Marguerite Yourcenar et nous étions en train d'aborder la question de la religion, Henriette Levillain, sur cette vaste question que représente la religion pour Marguerite Yourcenar, mais aussi pour toute personne née comme elle en 1903. Que peut-on dire ? Elle est née dans un milieu très catholique, mais je dirais rituellement catholique, c'est-à-dire qu'il y avait des obligations qui étaient la messe, bien sûr, la communion privée, les rites, et derrière, pas beaucoup de charité. Et toujours cette fameuse grand-mère, Noémie, à qui elle reproche justement ce manque de charité, et en même temps le fait qu'elle était très stricte sur le jeûne, sur les rites. Il y a cette fameuse anecdote que je trouve très jolie, qui est que le père de Michel, donc le grand-père de Marguerite Yourcenar, emmène son fils faire son tour d'Italie il descend par le Rhin et il dit à son petit garçon, écris à ta grand-mère ce que tu fais en ce moment. Et il écrit une petite carte où il raconte comment il déjeune et qu'il mange de la viande, du poulet je crois. Et la grand-mère reçoit donc cette petite carte et lorsqu'il revient, il est content de savoir si sa grand-mère a été satisfaite de cette jolie carte et elle se fâche en lui disant « dire que le vendredi, tu as fait manger de la viande à mon fils ». Donc, ce côté-là, elle en ricane, Marguerite Yourcenar. Et du coup, elle a évidemment un peu envoyé paître la religion catholique. Mais ça, c'est la religion catholique bourgeoise, mais le mystique, le sentiment du divin est quand même très présent. À l'inverse, c'est certainement une mystique. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure d'ailleurs qu'elle est contemplative et qu'elle a une grande admiration pour les saintes et en particulier celles qui se dépouillent. Et il y a un très très joli petit essai justement sur Sainte Élisabeth de Hongrie. Bon, c'est pas pour rien qu'elle a choisi Sainte Élisabeth de Hongrie. C'est tout de même une grande dame. Et cette Élisabeth de Hongrie qui se dépouille complètement et qui fait la charité justement tout autour d'elle, à l'insu évidemment de son mari, ça c'est pour elle le modèle des modèles. La femme riche, catholique, mais qui vit dans sa chair la charité. Et elle refuse l'existence de Satan. Elle refuse l'existence de Satan parce qu'au fond, le mal chez elle est humain. Ce sont les hommes qui ont construit le mal. Et le diable ne l'intéresse pas du tout parce qu'elle trouve que l'atrocité, elle est la plus grande, elle est chez les hommes. Donc ça veut dire que le péché peut être aussi accepté chez Marguerite Yourcenar. Ah ben elle trouve, je sais pas, elle appelle pas ça le péché, elle appelle ça, je pense, les passions mauvaises, la férocité, en particulier la férocité vis-à-vis des humbles, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis l'avarice. Elle considère que on n'a pas besoin d'être déterminé par l'extérieur pour connaître les passions mauvaises. Mais le péché, alors, est-ce qu'elle-même est pécheresse? Est-ce qu'elle considère qu'on peut pécher ou est-ce que ça lui pose un problème par rapport à la religion? Je n'ai jamais lu sous sa plume le mot péché. Je ne pense pas qu'elle puisse parler de cela. Je pense qu'elle parle de perversité, elle parle de férocité, elle parle de cruauté, énormément. Mais je ne vois pas en quoi elle envisagerait le péché dans la mesure où elle n'a retenu de la religion catholique que ce qui peut être universel. Donc les sacrements comme la confession, comme l'extrême onction, elle les refuse. Mais par rapport à son corps, par exemple, elle a une position qui est un petit peu contradictoire parce que d'un côté, elle dénonce les interdits, elle dénonce les inhibitions, et de l'autre côté, c'est quand même quelqu'un qui va s'habiller avec des tissus lourds, qui va mettre des formes floues, qui va se cacher, qui ne va pas pratiquer l'exercice physique. Et donc il y a là, en fait, comme une contradiction entre cette liberté dont elle dit qu'elle doit être totale pour le corps, et en même temps, l'inverse dans sa pratique quotidienne. Retenons le mot contradiction, je l'apprécie beaucoup. Je pense qu'on a beau être une intellectuelle, une rationnelle comme elle est, on a bien entendu des traumatismes d'enfance, ce qu'elle a certainement eu, quoi qu'elle en dise, que d'autre part, on a des inhibitions, et on a beau rationaliser les inhibitions, on doit vivre avec, qu'on s'aime ou on ne s'aime pas. On s'aime ou on ne s'aime pas. C'était quand même une cérébrale à la fin. Quelqu'un qui a eu du mal quand même à intégrer son propre corps. Elle s'est quand même toujours sentie assez mal dans son propre corps. C'est foncièrement une cérébrale et foncièrement une passionnée. Et en fait, les deux sont explosifs. Sont explosifs parce qu'en fait, effectivement, elle n'aime pas toutes les passions qu'elle a connues. Et il n'y en a qu'une qu'elle respecte infiniment. C'est la passion d'être écrivain. En quelques mots, en quelques secondes, Henriette Levillain, vous avez terminé votre abécédaire sur une entrée, et cette entrée c'est visionnaire. Alors est-ce que c'est uniquement parce que ça commençait par un V, ou est-ce que c'est parce que vous pensez que, de fait, Marguerite Yourcenar était avant tout une visionnaire? D'abord, c'est une entrée qui permet quand même un peu d'ouverture. Ça serait dommage de terminer par corps. C'est le côté pratique. Par corps, puisque vous disiez à l'instant qu'effectivement, elle n'aimait pas son corps. Donc, j'ai voulu que cela soit une porte ouverte. Et d'autre part, je pense foncièrement qu'une contemplative est toujours visionnaire. Et que lorsqu'elle voit des tableaux, lorsqu'elle voit l'avenir, elle le pense d'une façon très noire, mais elle voit ce que nous connaissons maintenant. Merci Henriette Levillain. Holy, holy, holy. h 54 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence de lecture de poésie. Toute la semaine, Jacques Bonafé vous propose d'entendre des textes de Jacques Darras, poète actuel très actif, très coloré, refusant la tristesse inconsolable, la plainte répétée ou la tiédeur. Il se réclame des poètes ariégeois médiévaux et il nous accompagne jusqu'à jeudi. Bonjour, Jacques Darras est traducteur de l'anglais. Des auteurs comme Malcolm Lowry, Walt Whitman, très important, William Blake, Coleridge. Il a traduit quelques phrases de John Donne que nous avons entendues la semaine dernière. Jacques Darras est poète. Vient de sortir L'indiscipline de l'eau, anthologie personnelle, 88-2012. Ces textes-là, je les connais bien, nous les avons marchés, nous les avons scandés ensemble. J'ai choisi un premier texte qui le décrit magnifiquement. Géants nous sommes, géants, géantes, fils de la mer, fils de la terre nous hante, nous sommes les forts pour aller vers, plus grands que nous, plus haut que vous, les petits hommes qui nous maniaient, mannequins d'osier, humains haussés, jusqu'au sommet où les oiseaux vont se jucher, oiseaux d'osier, nous sourions, d'un sourire niais, ni vent ni pluie, ne nous atteignent, ne nous déteignent, tant la cuisine des fours en terre nous aura cuit, cousine la terre, cousine et mère, par la couleur nous fûmes fait feu, nous rutilons, être réfractaires, à l'eau, à l'air, nous les géants, nous les géantes, nous sommes l'humain, le vin, levé, volant le pain, de l'atmosphère à la bouche même de Dieu le Père. Apprendre très vite à laisser place à l'admiration dans la phrase. Apprendre à laisser les poumons se dilater dans nos propres phrases. Il s'agit d'un texte qui s'appelle « Grand place, la brouette ». Apprendre à faire place à la place qu'occupe l'air pulmonaire en nous. Apprendre à parler ciel ouvert, ciel couvert, en public à nous-mêmes, pas nécessairement en public, pas nécessairement devant des foules publiques. Il y a une architecture de la parole parlée qui répond à l'architecture construite. Il suffit que nous nous adressions publiquement à l'intérieur de nous-mêmes, que nous apprenions à faire place à d'autres langues architecturales en nous, que nous fassions place aux langues les plus étrangèrement proches de nous. Entendez-vous, Wallon ? Entendez-vous, Flamand ? Entendez-vous, Français ? Il y a une architecture qui ne peut se construire qu'avec l'aide des poumons. Aérez-la, faites-la courir, qu'elle se dilate dans les prairies d'herbes étrangères. Aérez les places publiques de vos intimités, dédramatisez vos langues moisies. Circulez dans l'architecture de toutes les tuberculoses que vous aurez évitées. Admirez la grande place de Bruxelles qu'en flamand on nomme Grootmarkt. Admirez la grande place pulmonaire dans toutes ces langues architecturales. Admirez la grande cathédrale qui n'a d'autre plafond que nos exclamations. Admirez la place qu'elle, place, ménage chaque fois en moi, à mon admiration, admirez sa capacité de cri, librement acquise sur d'anciennes peurs exorcisées. Commune, commune. Laissez-vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare. Jacques Bonafé, lisez des poèmes de Jacques Darras dans la compagnie des auteurs, une émission consacrée cette semaine à Marguerite Yourcenar.